D'abord, il est très délicat et risqué d'intervenir après ce que nous a dit Étienne Klein. Enfin, j'ai un petit avantage quand même, puisque on a pu en discuter à table, et finalement, nous sommes tombés sur une sorte de compromis, hein, qui finalement consiste d'un côté à autoriser l'existence d'un temps en soi, hein, qui est dénudé, disons, des phénomènes. J'aime beaucoup l'image. Et je retrouve là une position radicale, mais dans le bon sens du terme, hein, dans le sens où l'entendait Wilhelm Reich. Ceci, entre parenthèses, je fais une référence à la psychanalyse, au freudo-marxisme, mais pour signaler que je ne suis pas un spécialiste de la question, puisque j'avais été un peu présenté comme ça, hein, dans le programme. Donc, radicalisme, dans la mesure où Reich disait qu'être radical, c'est prendre les choses à la racine. Et je pense qu'on est vraiment dans à ce niveau-là, quoi. Donc, compromis, dans la mesure où il y a un temps en soi, et il vaut mieux, pour sortir des pièges du langage, pour nous, utiliser, un autre vocabulaire qui renvoie au phénomène, je dirais pas temporel, mais temporalisé, hein, et nous avons d'ailleurs fait ce choix d'emblée, puisque nous avons adopté comme bannière, hein, le vocable temporalité, hein, ce qui montre que nous sommes finalement pas dans le temps pour soi, mais dans des phénomènes temporalisés. Ceci étant, il est vrai que pour les sciences humaines et sociales, ce qui est mon point de vue, la question qui compte, ce n'est pas le temps en soi, hein, c'est l'expérience du temps que se font les hommes à travers leur conduite individuelle, leur représentation ou leur construction, hein, telles que les civilisations, les sociétés. Donc, c'est finalement de ce point de vue que je me positionnerai. Alors, pour rebondir par rapport à vos arguments, vous avez dit très justement, en fait, que le piège venait de l'abus de langage. Et c'est vrai que je connais un psychologue que vous connaissez également, qui s'appelle John Michon, qui a proposé un modèle des représentations du temps. Et il nous dit que finalement, il y a des représentations implicites, il y a des représentations explicites, et dans les représentations explicites, eh bien, elles tirent leur contenu justement des formations symboliques. Et l'une des formations symboliques qui joue un rôle déterminant dans finalement la communication interindividuelle, dans la parole qu'on peut tenir sur le temps, les discours qu'on peut tenir sur le temps, ce sont les métaphores. Et c'est vrai que vous l'avez rappelé, hein, dans vos livres, entre parenthèses, j'ai beaucoup apprécié vos ouvrages. Il était cette fois la Révolution, et puis le livre qu'a cité Claude, Les tactiques de Chronos, hein, qu'il faut entendre parce que vous êtes également un moteur de jeu de mots, hein, également comme hein, une sorte de réversibilité du tic-tac, hein, le tactique tic-tac. Et donc, dans votre livre, disais-je, vous reprenez la métaphore du fluide, hein, qui est finalement la plus habituelle pour nous, hein, lorsque on parle du temps qui passe, hein, ce qui est impropre. On utilise une image qui est celle du cours d'eau, du fleuve, etc. Donc, c'est vrai que nous avons tendance, mais c'est ce qui facilite la communication entre nous, à parler des phénomènes temporalisés en utilisant des métaphores, hein, qui prétendent, disons, exprimer ce qu'est le temps. La métaphore du fluide, qui rappelle un peu la clepsydre, mais il y a d'autres métaphores, celle du temps qui s'égrène, qui rappelle le sablier, la métaphore minérale, hein, la combustion, hein, les heures qui se consument, qui rappellent les horloges à chandelles, etc. Donc on se réfère toujours à une expérience finalement, hein, de la durée, ici par le biais d'une instrumentation, hein, qui nous permet donc de parler de manière abusive du temps on devrait dire plutôt de phénomènes temporalisés. Il y a un autre aspect qui intervient dans nos représentations, qui est lié au langage, hein, et qui nous permet de communiquer entre nous, de nous entendre, c'est, disons, les plaintes temporelles. Hein. Ça a été étudié au Canada, c'est tout à fait intéressant. Les gens se plaignent du temps qui passe, hein, soit parce qu'il passe trop vite, soit parce qu'il est trop long. Hein. Donc là aussi, nous avons une manière, disons, d'adapter l'idée de temps à nos propres désirs et intérêts, hein, qui est sanctionnable, hein, d'un point de vue physique, de la physique, mais qui reste pour nous, disons, des questions intéressantes, légitimes, hein, dans la mesure, finalement, où le sens commun est un objet de recherche dans nos disciplines. Ceci étant dit, je voudrais intervenir d'abord sur le texte de Claude, que j'ai eu le privilège de lire avec quelques-uns, texte donc qui était préparatoire à ce débat, et je veux dire que ce texte, comme tu l'as dit à propos des interventions de Claude et d'Étienne Klein, est un texte très stimulant. Vraiment, j'ai retrouvé donc pratiquement un programme de recherche. Et dans ce texte, le point fort que j'ai relevé, enfin l'un des points forts, c'est la discussion que l'on peut faire sur la notion de pluralisme temporel. La notion de pluralisme temporel. Vous savez que bon, c'est une expression qui apparaît chez Bachelard dans les dialectiques de la durée en 1936. Hein, Bachelard qui justement intègre, disons, la théorie de la relativité dans son approche philosophique du temps, hein, qui nous explique finalement il y a autant de disons d'expériences de la durée qui existent de positions de l'observateur. Et cette notion de pluralisme temporel, moi, je l'ai toujours entendue de manière ambiguë, hein, ne sachant pas très bien comment me positionner. Et je veux dire que le texte de Claude nous éclaire sur ce point, puisqu'il nous montre qu'il y a deux aspects dans la pluralité, dans le pluralisme, pardon. Il y a une pluralité temporelle qui correspondrait plutôt à une hétérogénéité, hein, ce qui, renverrait à des rapports différents au temps, mais le temps restant une catégorie générique. C'est ce qu'on va trouver, par exemple, chez Alvax. Hein, Alvax, finalement, nous présente le calendrier, hein, qui est le modèle durkheimien du temps total, hein, nous parle du calendrier et nous dit, finalement, le calendrier, il comporte en lui les divisions sociales du temps, c'est-à-dire qu'il autorise une année qui serait une année religieuse, avec des points de repère religieux, une année, disons, paysanne, avec ses propres points de repère, etc. Donc, finalement, dans cette idée d'hétérogénéité, qui est fondatrice de notre réflexion qui va amener à la multiplicité, eh bien, on a l'idée donc d'un temps générique et qui autorise finalement différents rapports en fonction des groupes sociaux. Notre collègue Jean Chesneau aurait parlé de manière différente d'habiter le temps. Et à côté donc de ce pluralisme temporel qui correspond à une hétérogénéité, vous avez donc le pluralisme temporel qui prend la forme de l'éclatement. À table, on a parlé également de fragmentation. C'est la thèse de la multiplicité des temps, hein, qui, disons, apparaît dans un texte qui a le mérite d'exister, même si on peut contester un peu l'autorité de son auteur. C'est le texte de Gurvitch, hein, la multiplicité des temps sociaux, qu'on trouve dans le deuxième tome de la vocation actuelle de la sociologie, enfin, deuxième édition pour les amateurs de précision. On rompt avec cette idée d'hétérogénéité, on entre dans un modèle qui est celui de l'éclatement, de la multiplicité, qui va être là prendre une forme radicale aussi, dans le bon sens, chez William Grossin, hein, puisque William Grossin, dans Les temps de la vie quotidienne, hein, ouvre la boîte de Pandore, si je puis dire, et propose, c'est ça qui me paraît intéressant chez William Grossin, une méthodologie, hein, pour étudier les temporalités sociales. Il dit que le premier travail temporaliste si vous permettez ce néologisme, c'est, disons, le travail de particularisation des temps dans un milieu donné. Donc, je remercie beaucoup Claude d'avoir attiré mon attention sur, finalement, cette confusion qui existait avant qu'il se préoccupe de l'éclairer. Alors, ceci étant, par rapport à notre discussion, j'avais, moi, relevé deux questions, disons, qui ont un caractère épistémologique, puisque, finalement, c'est un peu l'objet de ce débat. Après les différents numéros que nous avons consacrés dans la revue à des aspects temporels ou à des processus de temporalisation, je pense avec Claude et qu'il serait intéressant de consacrer véritablement un numéro à l'épistémologie, savoir qu'est-ce que nous devons entendre par temporalité, hein, et pour éviter la confusion avec le temps dont nous a parlé Étienne Klein. Alors, ceci étant, moi je voudrais, Claude parle dans son texte de l'énigme des temps pluriels face au temps physique. Hein, donc finalement, la question nous invite à nous tourner vers le physicien pour lui demander ce qu'il pense en fait de notre modélisation. Moi je voudrais poser la question inversement, c'est-à-dire quel est le statut du temps physique dans, en sciences humaines et sociales, hein, sous quelle forme est-il convoqué, plus particulièrement en sociologie, en psycho, puisque c'est les deux disciplines où je prétends avoir quelques connaissances, hein, et finalement, comment, disons, se manifeste-t-il. Dans le texte de Claude, toujours, Claude, enfin, il y a deux questions aussi qui sont subsidiaires, c'est est-ce que le temps physique a une histoire? Bon, on a tendance à répondre non. Bon, il y a quand même certaines tentatives pour de reprendre la chronologie qu'on trouve sous la forme de l'Uchronie. Hein, l'Uchronie qui, au départ, n'est pas une fiction, qui est un genre historique, hein, renouvelé. La seconde question sur laquelle on peut répondre d'emblée, c'est est-ce que le temps physique est un temps social, hein? Bon, chez Durkheim, on trouve la réponse. Hein, à partir du moment où un temps exerce une contrainte sur les individus, hein, c'est un temps, il a un caractère de socialité. Alors, ce qui est intéressant avec cette question donc, de la réception du temps physique dans les sciences humaines et sociales, c'est que les deux fondateurs, donc l'un de la sociologie du temps et l'autre de la psychologie du temps, d'ailleurs qui n'ont jamais utilisé ces expressions hein, pour désigner un peu le domaine qu'ils abordaient, ces deux fondateurs finalement, hein, que sont d'un côté Durkheim et de l'autre Piaget, eh bien, s'entendent parfaitement sur l'idée, disons, d'un temps total ou d'un temps global. Hein, bon, on le sait bien, pour Durkheim, Durkheim parle, disons, d'un temps total, dont la forme sociale, dont le modèle social, est le calendrier. Le calendrier qui permet, finalement, nous dit-il, d'organiser, de donner une régularité à la vie collective, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, de produire de la synchronisation. Mais Durkheim ne l'entend pas seulement sous cet aspect-là, le calendrier. Il nous dit également, c'est une image publique hein, de la succession des jours, des semaines et des mois, hein, et c'est également qui permet de créer l'entente entre tous les esprits. Donc c'est également, disons, un élément sociocognitif très important, le calendrier. Mais et du côté de Piaget, hein, pour faire vite, alors Piaget, lui, ce qui est intéressant à propos de Piaget, c'est que Piaget publie son livre majeur sur la question, le développement de la notion de temps chez l'enfant, en 1946. Il le fait suivre par un autre livre sur la vitesse, et il nous rappelle, parce que d'autres l'avaient souligné avant lui, que dans la préface que finalement, ce livre, ce questionnement sur la notion de temps en psychologie, lui a été suggéré par Einstein. Un colloque de Davos en 1928, il y a un colloque comme ça, de philosophes, de psychologues, de physiciens, enfin, présidé par Einstein, et c'est comme ça que finalement il en vient à la suite de cette suggestion d'Einstein, qui lui demande finalement, qui est dans une discussion sur un terrain qui n'est pas vraiment le sien, qui est celui de la philosophie, le terrain de Bergson, de la durée immédiate. La question qu'il pose à Piaget, c'est finalement, est-ce que le temps est une notion dérivée ou non de la vitesse. Et donc, Piaget va, et c'est ça qui est, construire, disons, un modèle, qui est le modèle en trois stades, qui explique que finalement, la notion de temps s'acquiert progressivement et qu'elle elle est maîtrisée chez l'enfant à partir d'une dizaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il nous présente finalement cette acquisition au stade terminal. Il nous dit donc c'est un schème, total unique qui se caractérise finalement, qui prend la forme d'une notion, c'est-à-dire une découverte qui ne se fait que par la pensée et qui permet de résoudre des problèmes concrets de la vie courante liés aux durées et aux successions. Donc, ce qui est conclusion, si vous voulez, à partir de ces pionniers, de l'introduction de ce qu'on croit être le temps physique, après ce que nous a dit Étienne Klein, bon, c'est une interprétation, une lecture du temps physique. L'interprétation qu'on en fait, en tout cas, chez Durkheim et chez Piaget, elle est assez convergente, puisqu'on a affaire à un temps instrumental, qui est doté d'instruments de mesure, qui peuvent être le calendrier, la montre, le chronomètre, et d'une métrique adaptée à ces instruments de mesure, qui peut être les années ou alors les minutes, les secondes. Donc ce temps est instrumental, c'est-à-dire qu'il est doté d'instruments, et il est opératoire, c'est-à-dire il permet d'agir sur le réel, de résoudre des problèmes. Pour Piaget, c'est évident, il s'agit de savoir pouvoir calculer la durée d'un trajet, se situer, disons, dans la fratrie, par rapport, disons, aux informations dont on dispose. Chez Durkheim, c'est de résoudre des problèmes de synchronisation, bien évidemment. Alors, ça, c'était la première question que je voulais poser. La deuxième question que je posais, toujours en rapport avec cette discussion, c'est, on a parlé donc de temps éclaté, à table de fragmentation du temps. Donc, est-ce que cette thèse du pluralisme temporel, dans sa radicalité, est-elle compatible avec un principe unificateur ? Finalement, existe-t-il un schéma organisateur de la multiplicité temporelle ? Alors, là-dessus, bon, il y a là aussi un point de convergence entre la psycho et la socio qui me paraît, disons, intéressant à commenter. C'est que, bon, Piaget, on l'a vu, donc, et c'est un reproche que lui a fait Paul Fraisse, qui, lui, a écrit un livre qui s'intitule « Psychologie du temps » et qui est l'autre psychologue important sur la question des temporalités individuelles au XXe siècle. Donc, Piaget donc épouse le modèle du temps physique tel qu'il l'a compris. Et le reproche que va lui faire Paul Fraisse tout de suite, c'est de dire mais finalement il y a une intuition de la durée qui fait que l'enfant est capable de résoudre des problèmes d'emboîtement de durée, de succession, puisque c'est les deux aspects du temps. Que les deux propriétés du temps, le temps finalement, c'est un schème, c'est un système organisateur de durée et de succession. C'est-à-dire les durées doivent pouvoir s'emboîter et se situer dans un certain ordre de succession. Donc Fréchet lui dit, mais finalement, avant ça, il existe une intuition de la durée. Et c'est pas pour rien que Fréchet dit ça, parce que Fréchet, et on ne le sait pas, c'est un grand spécialiste de Bergson. Hein, et même s'il est le fondateur de la psychologie expérimentale telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, hein, c'est une psychologie très sectaire qui n'autorise pas du tout d'autres approches, il a une sorte de défaillance qui témoigne d'un intérêt pour la durée subjective des écrits de Bergson. Ok. Donc, en fait, les élèves de Fréchet vont discuter le modèle piagétien, contester l'idée d'un temps unique, et vont proposer, finalement, un modèle unificateur du temps qu'ils appellent une échelle des temps. Et cette échelle, elle est intéressante parce qu'elle nous... Elle n'est pas, et c'est l'exemple, je pense, qu'on devrait suivre, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des indicateurs, sur, disons, des éléments, disons, objectifs. Alors, l'échelle est basée donc sur deux paramètres. D'abord, la durée. Hein, il y a différents types de durée qui constituent les expériences psychologiques du temps. Ça va de la... des durées inférieures à la seconde jusque, disons, des temps longs, donc des temps brefs aux temps longs. Et puis le deuxième paramètre qui permet donc de faire la discrimination, d'être discriminant dans l'échelle, c'est les structures qui sont impliquées dans le contrôle de ces temporalités. Et donc on distingue là trois types de structures. Des structures corticales, par exemple le cervelet, des structures neuronales, c'est-à-dire qui impliquent différentes structures connectées entre elles, par exemple le préfrontal, le cortex préfrontal avec d'autres structures, et enfin le strictement, disons, neuronal, hein, qui, disons, est plus difficile à localiser. Bon, alors, conclusion, donc il y a quatre types de durée, les temps les plus brefs qui correspondent à ce qu'on appelle le timing, hein, c'est finalement des régulations temporelles, hein, c'est des coordinations sensorimotrices, hein, qui sont acquises à faveur d'apprentissage, ça peut être la marche, le vélo, ça peut être également, disons, l'exécution musicale d'un virtuose, hein, qui arrive comme ça à avoir disons, un timing... mais qui échappe toujours au contrôle disons, de la conscience. Ensuite, vous avez les durées brèves. Ça, c'est tout le domaine de Fréchet. Ce sont les estimations du temps, hein, qui reposeraient sur une horloge interne, hein, qu'on appelle une sorte de pacemaker, sablier cérébral, hein, qui produirait une sorte de tic-tac qui expliquerait que, finalement, le temps puisse nous paraître long, hein, c'est-à-dire lorsqu'on n'a rien à faire. Disons, le tic-tac nous alerte, hein, donc on voit passer le temps, et lorsque finalement on est occupé par une tâche, eh bien on perd de vue le tic-tac, et donc là le temps nous paraît court. Ensuite, donc là c'est un réseau qui serait impliqué. Ils introduisent également les rythmes circadiens, biologiques circadiens, avec la fameuse horloge interne. Donc là, si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais salué la référence qu'a faite Claude à propos de la catastrophe de Courrières, hein, en 1906 ou 1904, dont parle Paul Fréchet, et qui a eu beaucoup de retombées sur le plan expérimental, puisque toutes les études qu'on a faites dans les gouffres, hein, souvent financées par la NASA, hein, sont originaires, disons, de là. Et enfin, nous trouvons... les temps longs, hein, qui sont des temps vécus, habités, hein, et qui font intervenir les formations symboliques, c'est-à-dire la mémoire, le langage, j'en ai parlé, et le raisonnement. Alors, pour terminer, je sais bien que ce n'est pas pour lancer la polémique, mais ce qui est tout à fait... Je parlais de points de convergence entre la psycho et la socio. Ces échelles de temps, moi, m'ont rappelé, hein, disons, les paliers en profondeur des temps sociaux de Gurvitch, hein, puisque Gurvitch propose aussi, hein, différents niveaux par lesquelles, qui permettent de repérer des temporalités, le niveau microsociologique, mésosociologique, macrosociologique.